Les médias russes, iraniens, japonais, népalais, britanniques, suédois, américains, brésiliens, nigériens et sud-africains ont présenté le mémorandum du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée qui a révélé des crimes des Américains qui, après le grand deuil de la nation coréenne, ont livré sans cesse des actes hostiles au paroxysme contre la Corée populaire pour nous obliger d'intensifier les forces nucléaires.